Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer à étudier les sept églises. Il nous en reste deux. Et ce matin, nous allons voir celle de Thyatire et nous allons se laisser instruire par notre bien-aimé Sauveur Jésus, qui est la parole de Dieu. Notre Père du ciel, parle-nous ce matin, c'est notre désir. Nous avons en nous, à cause de l'Esprit-Saint, le même désir que Samuel. Parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Nous reconnaissons, c'est par le renouvellement de notre intelligence que nous allons de plus en plus te louer et t'adorer. Guide-nous, Seigneur, guide-nous. Par ton Esprit-Saint, illumine nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par lire le texte dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garde aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, nous allons regarder à l'église de Philadelphie. Et nous allons suivre un peu le même patron que les autres fois. Il se présente et il dit qu'il connaît et il fait un reproche et il appelle à la persévérance et il avertit d'un jugement et il fait des promesses. Donc on va suivre un peu le même patron que les autres fois. Premièrement, celui qui a écrit. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Donc le Saint, c'est celui qui est à part. Ce nom-là est donné aux croyants, les saints. Mais ici, l'article défini qui dit le Saint, le met à part des autres saints, que ce soit des anges, que ce soit des chrétiens, que ce soit des gens qui sont montés au ciel, il est différent parce qu'il est le saint, celui qui est à part des autres, celui qui est au-dessus de toute chose. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit au-dessus de tous les autres esprits. Donc Jésus se présente ici comme étant le saint. Il présente aussi sa personne comme étant le véritable. Donc le véritable, c'est celui qui, contraire à celui qui n'est pas le véritable. Donc, il y a toujours une tentation dans ce siècle et dans tous les siècles de remplacer le véritable par un faux. Ça, c'est le véritable tableau, le véritable livre, c'est le véritable personnage. Donc, il y a des imitations, puis il y a aussi le véritable. Donc, quand on lit l'ensemble de l'Apocalypse, il y a quelqu'un qui se présente, il s'assit même sur le trône de Dieu. Il se présente comme étant Dieu fait chair. Il se présente comme étant celui qui contrôle, qui est au-dessus de toute chose. Jésus dit non, non. Le véritable, c'est moi. Et là, il dit, je suis celui qui a la clé de David. Donc, il parle de clé. Parce il va parler de porte. Il va parler de ville. Ville de mon Dieu, Nouvelle Jérusalem. Dans ces villes, il y a des portes. Donc, il dit, j'ai la clé de David. Donc, il est celui qui peut ouvrir. Et quand que lui ouvre, personne ne ferme. Mais personne d'autre ne peut ouvrir que lui. Donc, lui est le possesseur d'une clé, de la clé de David, de la ville de David, de la ville de Jérusalem. Et la ville de Jérusalem, dans l'ensemble de l'Apocalypse, c'est la place où ce que Dieu va vivre dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. C'est la nouvelle Jérusalem, la ville de David. Donc, il y a une clé dans sa main. Personne ne peut ouvrir pour qu'on puisse entrer dans cette ville. Et personne ne peut fermer pour m'empêcher d'entrer. C'est lui qui a la clé. Donc, il laisse entrer ceux que lui veut et empêche de rentrer ceux que lui ne veut pas dans cette ville-là. Donc, il est l'être le plus important, celui qui tient la clé de la maison, sans ça, on ne peut pas y entrer. Il est le plus important pour entrer dans la ville, parce que c'est lui qui a la clé. Donc Jésus dit, je suis le véritable, si je pourrais dire de même, gardien de la ville de David, de la ville de Jérusalem. Donc c'est important de rester attaché à lui, parce que c'est lui qui a la clé. Souvent, quand on arrive chez nous, à la maison, celui qui passe en premier vers la porte, c'est celui qui a la clé. Donc, quand on arrivait chez nous, donc celui qui avait la clé passait le premier et on voyait tout le monde qui suivait en arrière. Papa, maman, les enfants. Celui qui avait la clé était toujours en premier et les autres suivent. C'est l'image ici. C'est moi qui a la clé. Donc, reste avec moi si tu veux entrer. Parce que si tu t'éloignes de moi, tu ne pourras pas rentrer. Parce que tous les faux, en comparaison avec le véritable, n'ont pas la clé. Ils disent avoir la clé. Toutes les religions du monde disent, tous les grands prophètes de ce monde disent qu'ils ont la clé. J'écoutais un film, il n'y a pas tellement longtemps, de quelqu'un qui s'est présenté et dit, j'ai découvert la vérité, j'ai découvert le moyen de faire de notre planète le paradis, où est-ce qu'il y aurait plus de difficultés. J'ai dit, c'est un faux, parce que le véritable, c'est Jésus. Il dit au verset 8, je connais tes œuvres. Je te connais. Je te connais. C'est toujours important de se rappeler que Jésus ne parle pas à travers son chapeau. Il connaît l'Église. Et il connaît chaque individu dans l'Église. On peut tromper tout le monde, on peut se tromper soi-même, mais on ne trompe jamais Jésus. Je te connais. Je connais tes œuvres. Et on a vu, connaître les œuvres, c'est connaître la foi. Connaître la foi, c'est connaître les œuvres. Les deux sont toujours interreliés dans le Nouveau Testament. Toujours interreliés. C'est pour ça que Jacques peut dire, si tu n'as, montre-moi ta foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Donc, la foi a toujours des œuvres et les œuvres véritables ont toujours la vraie foi qui vont ensemble. Il faut faire attention à ce qu'on appelle œuvre. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai la foi? Je dois regarder à mes œuvres. Parce que c'est facile de dire j'ai la foi. Mais est-ce que j'ai les œuvres qui le démontrent? On en voit des gens des fois qui sont malades et ils disent, ils se prennent pour des animaux. Hein? Vous avez déjà vu ça? Et quand on les regarde, il n'est pas tellement difficile de savoir qu'ils ne sont pas ces animaux-là, qu'ils prétendent être. C'est la même chose ici. Il dit, je connais tes œuvres. Donc, il est en train de dire en même temps, je connais ta foi. Voici. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et là, il y a toutes sortes de spéculations par rapport à cela. Quelle est donc cette porte-là que Jésus dit qu'il a mis là? Il dit, parce que tu as peu de puissance. Il y en a qui disent que ça fait référence à la faiblesse de l'Église. T'es pas forte, mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y en a qui disent que c'est une porte pour l'évangélisation. Comme un peu Paul dit, c'est une porte mais ouverte, une porte mais grande ouverte. Et je peux annoncer l'évangile. Peut-être que c'est ça. Mais j'ai l'impression en plus hein, qu'il est en train de parler de cette porte que lui a la clé. Et si c'est la porte qui permet aux gens d'entrer dans la ville nouvelle, dans la ville de Jérusalem, d'accéder à Dieu et à Jésus-Christ, ça ne pourra pas être ça. Mais il dit, je sais que tu as peu de puissance. Moi, je dirais, en toi-même, tu n'as pas de puissance. Tu n'es pas capable, parce que tu n'es pas capable de toi-même d'atteindre cette porte, d'ouvrir cette porte. Non, mais parce que tu as gardé ma parole, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis une porte devant toi que personne ne peut fermer, par laquelle tu vas pouvoir entrer. La porte, c'est pour entrer. À quelque part. Dans quelque chose. Donc, il dit, parce que tu as gardé ma foi et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Pourquoi ils ne peuvent pas la fermer? Parce que c'est moi qui ai la clé. C'est moi qui ai la clé. Personne ne peut nous ravir de sa main. N'est-ce pas? Personne ne peut nous ravir de sa main. Verset 9, il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc, est-ce qu'il est en train de leur dire là que quelques-uns vont se convertir? Quelques juifs vont se convertir, vont venir se prosterner aux pieds de l'Église de Philadelphie et qui vont reconnaître que je t'ai aimé, que tu étais celui que le véritable aimait, que le saint aimait, parce que les juifs dénigraient l'Église, rejetaient l'Église, disaient que l'Église n'était pas de Dieu, accusaient l'Église de blasphème et d'injure à Dieu. Est-ce qu'ils viennent se prosterner dans l'humilité ou dans la repentance? On peut le prendre dans les deux sens. Hein? On peut le prendre dans les deux sens. Je préfère personnellement qu'il parle, qu'il y en a qui vont admettre finalement. Donc, en admettant qu'ils sont de Dieu, est-ce qu'ils vont se convertir? Peut-être, peut-être. Mais encore une fois, ce qui est important pour l'Église de Philadelphie, c'est qu'elle comprenne que c'est le saint et le véritable, celui qui a la clé, qui peut faire entrer et qui peut empêcher d'entrer. Que c'est lui qui a contrôle sur toute chose. Et quand il me dit ça, ça veut dire que si lui décide de te donner quelques juifs de la synagogue de Satan, il le fait. Il y a un contrôle, même sur les gens qui persécutent l'Église. L'Église n'est pas livrée à un monde que Dieu, sur lequel Dieu n'a plus de contrôle. Dieu contrôle, comme il contrôlait dans l'Ancien Testament les peuples qui persécutaient le peuple juif. Il y a aussi un contrôle sur les gens qui persécutent l'Église. Ça, c'est la bénédiction qu'il dit à l'Église au moment qu'il lui a écrit. Donc, je t'ouvre la porte devant toi que personne ne peut fermer ou ouvrir. C'est moi qui ai ouvert la porte parce que tu as gardé la foi, parce que tu n'as pas renié mon nom. Je garde la porte ouverte pour toi. Et je te donne des gens de la synagogue de Satan. Au verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il dit, j'ai une porte que j'ai ouverte et que personne ne peut fermer par laquelle tu peux rentrer. Moi, je crois que tu peux rentrer dans ma présence, tu peux rentrer dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour ça tout à l'heure qu'on va voir qu'il va donner un nom de la ville, un nom pour rentrer dans la ville, je crois, personnellement. Et là, il fait une autre bénédiction, une autre promesse. Il dit, je vais te garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici, plusieurs chrétiens pensent que l'auteur fait référence à l'enlèvement de l'Église. Que quand l'heure de la tentation va venir dans le monde entier, Dieu va enlever l'Église avant ça. Je n'ai pas cette conviction-là, personnellement, parce que le mot, il n'a pas dit « je t'enlèverai », mais il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je te garderai. Le mot dans l'original n'a pas cette connotation d'enlever, mais c'est plutôt, je vais te préserver, je vais te garder, je vais te donner la capacité de passer au travers l'heure qui s'en vient. Donc, je crois que l'interprétation est plus valable si on la garde dans l'ensemble du livre. Les chrétiens n'ont jamais été protégés des persécutions et des moments difficiles qui atteignaient le monde, mais Dieu les a toujours gardés à travers ces moments difficiles-là. Il a gardé Noé à travers le déluge. Il l'a pas enlevé. Il a donné le moyen de passer au travers le déluge, le jugement qui venait. Il a garder Lot, c'est des exemples de l'Ancien Testament. Mais il dit, je vais te garder, je vais envoyer sur la terre un moment d'une grande intensité de douleur. Et pour éprouver les habitants de la terre. Donc, la tentation n'est pas pour les croyants, c'est pour le monde. Et on va voir à partir du chapitre 6, et on va voir toutes les grandes catastrophes qui vont venir dans le monde, et les chrétiens vont être gardés à travers cela. vont être gardés à travers cela. Ceci ne veut pas dire que les chrétiens ne vont pas souffrir. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que Dieu va les garder, va les donner la capacité de persévérer. Comme ils avaient persévéré dans leur vie au moment où Jésus leur parle, il dit, tu n'as pas renié ma foi, tu as gardé la persévérance en moi, tu as persévéré à travers les moments difficiles, parce qu'ils étaient dans un moment de persécution. Ils étaient dans un moment de tribulation. Ils étaient là. Ils n'avaient pas encore renié. Donc, il dit, vu que tu as gardé la persévérance en moi, pendant que je vais envoyer la tentation qui va venir sur le monde, je vais, moi, te garder aussi. Je vais aussi, moi, te donner la persévérance. Je crois qu'il parle de la persévérance des saints. Je crois qu'il parle de la capacité d'endurer, de persévérer, de continuer à travers les moments très difficiles que Dieu réserve au monde dans lequel l'Église vit. Il y a des moments donnés qu'on va voir ensemble, que ces moments de tentation-là, l'Église va être protégée de façon globale, totalement. Ils vont éviter les moments difficiles. Mais ils éviteront pas la tribulation ou la persécution qui vient à cause de cette tentation qui vient sur le monde. Est-ce que vous me comprenez? Dieu va envoyer sur le monde des choses difficiles qui vont être la manifestation de sa colère. L'Église va être gardée de cela. Elle va être protégée de cette colère-là parce que l'Église ne va pas subir la colère de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas persécutés par ces gens-là. Mais ils vont être préservés de la colère de Dieu. Ils vont être préservés de cette tentation qui va venir sur le monde. On va voir ça en s'en allant plus loin. Mais remarquez bien, il dit, à cause de ta persévérance en moi, je te garderai de la tentation qui va venir sur le monde. Il est important que de saisir juste ce principe-là. Si tu gardes la foi, si tu persévères dans la foi, je te garderai, je t'ouvrirai la porte quand tu vas arriver. Parce que c'est moi qui garde la clé de David. Au verset 11, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, il dit, retiens ce que tu as. Il y a une condition ici pour ne pas perdre la couronne. Retiens ce que tu as. Retiens l'évangile. Retiens la foi. Tu as, jusqu'à ce jour, tu as persévéré. Mais continue. Retiens ce que tu as. N'abandonne pas. Rejette pas. Ne quitte pas. Retiens-le. Afin que personne ne prenne ta couronne. À l'exemple de Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne m'est réservée. Dans Jacques, dans Pierre, il fait les mêmes exhortations. Attention de ne pas perdre ta couronne. Il faut faire attention parce que des fois les chrétiens pensent que c'est une autre couronne, une couronne de récompense. Qui peuvent gagner ou perdre. Mais c'est pas ça qu'ici le texte parle. Parce que la couronne, ces couronnes-là qu'on appelle des couronnes de récompense, sont gagnées par l'obéissance à ce que Dieu demande. Mais ici, ce n'est pas ça. Dire, retiens ce que tu as. Et je suis obligé de penser que retenir ce que tu as, c'est la foi. Dans la parole de la persévérance en moi. Dans l'évangile. Il n'est pas en train de parler de certaines activités chrétiennes qu'on doit persévérer à faire pour garder une couronne quelconque. Mais il dit, retiens la foi, retiens, reste attaché à moi et personne ne va pouvoir t'enlever ta couronne. Personne ne va pouvoir t'empêcher d'entrer par la porte. Et là, il dit à celui qui vaincra, Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. On va voir ça dans Apocalypse chapitre 20 ou 21. Et je vais écrire mon nom nouveau. Il dit à celui qui va vaincre, parce que, vous savez, l'église de Philadelphie est appelée comme les autres à vaincre la menace, à vaincre la tentation, à vaincre l'épreuve, à vaincre Satan. Et, comme toutes les autres églises. Elle n'est pas spéciale, Philadelphie. Il y en a qui ont voulu la rendre spéciale. Elle aussi, elle est exhortée à garder la foi. Elle aussi, elle est appelée à vaincre. Donc, si Jésus l'appelle à vaincre, c'est parce qu'elle est dans la lutte, elle est dans la bataille. Il y a un risque de la perdre, de ne pas vaincre. C'est à celui qui vaincra, qui va persévérer, qui va aller jusqu'au bout, qui va retenir la foi jusqu'au bout. Et je vais donner un nom nouveau. Et il va pouvoir vivre dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Et j'écrirai son nom, et le nom de Dieu est mon nom. Je crois que ce qu'il est en train de dire là, à cause de la clé, il va pouvoir entrer. Il va nous faire entrer, à ceux qui vont voir, il va nous faire entrer dans la nouvelle ville de Jérusalem. Il va nous faire permettre d'être dans le temple de Dieu et de vivre avec Dieu, de rester avec Dieu. Et que si Dieu écrit son nom sur moi et que Jésus écrit son nom sur moi, je leur appartiens. Donc, la bénédiction pour ceux qui vont vaincre, c'est que je vais faire partie de la Nouvelle Jérusalem, je vais faire partie du temple de Dieu, je vais faire partie, je vais leur appartenir parce que mon nom est écrit, excusez, leur nom est écrit sur moi. Un peu l'exemple qu'on marquait les esclaves, qu'on marquait aussi les animaux pour un signe d'appartenance à quelqu'un. Quand le nom de Dieu et le nom de Jésus sont marqués sur nous, on lui appartient. On lui appartient. Ils ouvrent cette phrase que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Entendez bien, écoutez bien, gardez bien. Je suis le saint et le véritable, et je possède une clé. Une clé unique que personne d'autre n'a. Et avec cette clé-là, je peux ouvrir des portes et je peux fermer des portes. Et à cause que tu as gardé, j'ai mis une porte devant toi qui est ouverte et personne ne peut la fermer. Personne. Résiste à la synagogue de Satan. Résiste à ceux qui t'attaquent et te font du mal. Résiste, garde la foi. Et si tu gardes la foi, je vais te garder, moi, spirituellement, je vais te garder, je vais te protéger, je vais te donner la capacité de persévérer. Je sais que tu es faible, mais moi, je suis le Tout-Puissant. Je vais te garder. Oh, je ne sais pas comment de chrétiens m'ont dit qu'ils espèrent que l'Église va être enlevée avant ces moments de tribulation très fortes. Et ils ont tellement peur de vivre dans ces moments-là de difficultés énormes qui vont arriver sur la terre. Mais j'ai dit, je sais, je suis comme toi. Je suis faible. J'ai peu de puissance. Mais il y a quelqu'un qui va me garder. Il y a quelqu'un qui va me donner la capacité de garder la foi. Si moi je retiens la foi en Jésus-Christ, lui va me donner la capacité de persévérer à travers toute difficulté, même jusqu'à la mort s'il le faut. Et quand la grande tribulation ou la grande épreuve soit terminée sur la terre, et je vais te donner la capacité d'entrer dans le temple de Dieu. Je vais écrire ton nom sur ton front. Je vais écrire le nom de mon Père. Et tu vas pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem et y vivre avec nous pour l'éternité. Et dans cette Nouvelle Jérusalem, dans ce temple dans lequel nous habitons avec lui, parce qu'on est dans le temple, mais on est aussi le temple, parce qu'on est une colonne du temple. On va pouvoir adorer et servir notre Dieu pour l'éternité. Oh, mes frères et sœurs, c'est une belle lettre ce matin, n'est-ce pas? Une belle lettre. Et toutes les lettres jusqu'à date. Ça c'est la sixième. Jusqu'à date, toutes les lettres appellent l'Église soit à la repentance, soit à la persévérance. Si tu persévères, si tu gardes, si tu te maintiens dedans, je vais te bénir éternellement dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans ma présence et la présence de mon Père. Si tu t'aperçois que tu as abandonné, ne le nie pas. Ne le nie pas. Ça ne donne à rien de le nier, de faire semblant. Il dit plutôt, repens-toi. Repens-toi, Éphèse. Repens-toi, Pergame. Repens-toi, Thyatire. Repens-toi. Et si tu te repens, je vais te donner la même chose que ceux qui ont persévéré. Et je te demande, dans toutes les lettres, de vaincre l'ennemi, de vaincre le moment présent, de vaincre la tentation d'abandonner, de vaincre les tribulations à lesquelles tu es exposé à cause de mon nom. Garde la foi, retiens la foi, et je te donnerai une place dans la Nouvelle Jérusalem. Notre Père du ciel, quelle belle lettre, quelle belle promesse de la part de celui qui a la clé de David. J'ai ouvert une porte par laquelle tu vas pouvoir entrer dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. J'ai ouvert une porte pour toi, afin que tu rentres dans le temple de Dieu et que tu en deviennes une colonne et que tu y habites éternellement. Seigneur, utilise cette vidéo pour convaincre ceux qui n'auraient pas retenu, ceux qui ont renié, ceux qui ont abandonné, ceux qui fréquentent l'Église parce que les parents fréquentaient l'Église. Parce qu'ils y ont toujours été, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Et je connais des hommes et des femmes qui restent à l'Église parce que leurs enfants et leurs petits-enfants sont là. Puis ils ont peur, en quittant l'Église, que les autres aussi vont abandonner. Seigneur, donne-leur de vaincre. Donne-leur de vaincre. Et de se repentir. Et de se tourner vers toi. Car sans toi, c'est la destruction éternelle. Mais avec toi, ça va être la félicité éternelle dans la présence de Dieu et de Jésus. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.